toute façon. Moi j'ai rien promis au monde. Je suis pas responsable de tes actes. J'ai rien promis. C'est toi qui l'as voulu. Tu vois, ça mène. J'ai rien promis au monde, même à mes proches que j'aime. Quand j'étais mioche, on m'appelait déjà le phénomène. J'ai détruit ma vie que d'embûches et d'obstacles. Et à cette heure, ma présence sur terre n'est que miracle. Pour le collège, j'étais un piège, un morveux qui vous assiège. À mon âge, je suis trop sauvage pour l'entourage. Mon image n'est qu'une bête sauvage qu'on met en cage. Construire peut détruire, tout dans le martyr. Pas aimer, détester des milliers de péchés. Pour la justice, je suis que merde qu'on doit effacer. Tout recommencer, pour moi, c'est impossible. Car pour ce système, je suis la cible. La cible, la cible. La cible, nous sommes tous la cible. Moi j'ai rien promis au monde, mais je veux respecter mes engagements. Alors je fais en sorte d'avancer dans mon élan. Pourtant pas fortuné, mais fort je suis. J'essaie en vain de rester simple comme je suis. Je suis les lois dans ces règles. Pour mon prochain je viens en aide, parce qu'il faut y croire. Eh bien moi je n'y crois plus. Tous ces enculés, ces pédés, ces bâtards qui nous gouvernent. Oh tu deviens vulgaire. Au point où j'en suis, je suis esclave de cette vie pour la vie. Ça c'est toi qui l'as voulu, mais les temps sont révolus. Il n'était pas prévu que tu deviennes individu. Insolent, négligent, parfois répugnant par tout moment. Tout cela n'est que foutaise. Il n'y aura jamais assez de pèse pour les miens victimes de la baise. Et plus fort que l'institution. Ah, tu vas loin là. Mais pourquoi tu me saoules depuis tout à l'heure? Parce que je veux ton bonheur. Mais t'as pas compris, c'est pas moi qui ai choisi cette vie. Sur cette putain de planète, il fallait le bon et le mauvais, le riche et le pauvre. Et c'est pour ça qu'à n'importe quel moyen, ma vie, il faut que je la sauve. Ouais, tu penses que c'est comme moi, ça. Moi j'ai rien promis au monde, mais le monde m'a promis ses rêves. Personne m'a dit que le mal ne me laisserait aucune trêve. Aujourd'hui, on vit de cette musique. Mais toutes nos larmes coulent pour nos frères d'Afrique. Les frères d'Afrique. Plus pratique d'user de l'automatique. Mettre sa pratique, on risque toujours cette prison. Si Dieu le veut, un jour tu verras. On se vengera de cette vie qui nous satisfait pas. C'est des films qu'on voit trop, des histoires de mythos. Le jeune sur la tente, pressé la détente si ça vous tente. Y'a pas de quoi se vanter, 10 ans en prison, je crois que c'est trop long. Toute une nation sacrifiée par une génération. Moi je vis autour des blocs, hypocrisie provoque. Je marque la fin d'une époque, 9-8 pour 9-9. J'attends le retour de mes refs, bloqués en cage par le système et les keufs. Mais un jour tu verras, Inch'Allah on s'en sortira. Moi j'ai rien promis au monde, mais le monde m'a promis ses rêves. La vérité au bout des lèvres, j'aimerais que les miens s'élèvent. Sans que le glaive on lève, j'aimerais que la rue accorde une trêve un instant. Pour marquer le temps, stopper les événements. Pouvoir changer les gens comme un grand rêve d'enfant. Portrait d'une époque que je décris avec mes sentiments. Je vous explique gentiment sur ce morceau. J'ai rien promis au monde et puis merde. Moi j'ai rien promis au monde, mais le monde m'a promis ses rêves. Personne m'a dit que le mal ne me laisserait aucune trêve. Aujourd'hui, on vit de cette musique. Car toutes nos larmes coulent pour nos frères d'Afrique. Plus pratique d'user de l'automatique. Mais de sa pratique, on risque toujours cette prison. Si Dieu le veut, un jour tu verras. On se vengera de cette vie qui nous satisfait pas. Ouais.